Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. Il se passe pas mal d'affaires cette semaine, évidemment, l'histoire des Rays à Montréal, les Blue Jays également. On va parler aussi de la première fois il y aura du baseball en Europe. Salut Jacques! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Jacques. Demain matin, qui tu penses qui mérite d'aller au match étoile chez les Blue Jays? Oh! Ben, moi, je pense que le joueur d'Haricourt est peut-être celui que je désignerais pour représenter les Blue Jays au match des étoiles. À part ça, il n'y a pas grand monde, là. Marcus Stroman? Qui? Stroman? Oui. Oui, mais ça dépend. Les lanceurs, ce sont les gérants qui les choisissent. Oui. Mais les joueurs de position peuvent être ajoutés par consensus général. OK. Alors, Freddy Galvis là, connaît toute une saison, autant défensivement qu'en attaque. Ouais. Si Gourriel avait frappé de même depuis le début de la saison, ce serait probablement lui qui serait là. Oui. Mais malheureusement, il a été faire un séjour dans le niveau 3A, puis depuis ce temps-là, il est revenu. Tabarouette, tu frappes comme un déjeuner, ça n'a pas de sens. Ah, c'est incroyable, hein? Puis je pense que quelque part, est-ce que son mauvais rendement en défensive en début de saison faisait en sorte qu'il transportait ses malheurs en attaque? Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que, écoute, autant il y avait de la difficulté à lancer avec précision du deuxième but au premier coussin, maintenant qu'il joue comme voltigeur, il y a 6 mentions de distance. Oui. Alors, ben, tu sais, c'est un changement radical dans son cas, autant en défensive qu'en attaque. C'était-tu Steve Sachs qui avait de la misère à courir oui. Comme il faut? Oui, oui, exactement. Puis il y a plusieurs receveurs aussi. Je me souviens, moi, il y avait des receveurs avec les Pirates de Pittsburgh, j'oublie son nom, là. Mais il y avait de la misère à remettre la balle au lanceur. Rick Ankiel aussi? Il y avait Rick... Oui, Ankiel, ben oui, écoute. Puis il n'était pas capable de lancer de prise. Oui, ça, c'est psychologique, je pense. C'est un blocage, je pense, à quelque part. Hein? Ah, oui, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement. Mais ça va quand même assez bien. L'attaque va quand même assez bien, mais c'est les lanceurs que ça fait dur. Il y avait Trent Thornton qui avait montré quand même des belles choses, mais il s'est fait malmener contre les Yankees mercredi. Ben, il sera pas, il est pas le premier, puis il sera pas le dernier. Non, non, c'est sûr. Pour les Yankees, là. Oui, oui. Mais, tu sais, dans l'ensemble... quand tu prends Stroman, évidemment, Sanchez, il a une grosse part de problème. Là, je ne sais pas s'il a mal au doigt et il n'en parle pas. Mais le jeune que tu viens de parler, là, lui a sa place dans la rotation des 5 partants pour l'année prochaine, à moins que ce soit une déconfiture totale, là. Puis j'ai hâte de voir ce que le jeune Pearson va faire dans le match des futures étoiles, là, les Futures. Pearson va représenter les Blue Jays dans cette rencontre-là qui précède le match des étoiles. Alors ça va être intéressant de suivre le développement. OK. Jacques, comment tu as trouvé ça cette semaine? Moi, je l'ai dit à Frédéric Drey, à Fédéric cette semaine. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est une grosse pièce de théâtre. Tout le monde le sait. Moi, je pense que c'est une grosse pièce de théâtre qu'on a assisté cette semaine. Ben, t'es peut-être pas loin. Écoute, les gens me demandent tout ce que t'en penses, Jacques. Il y a tellement de réponses, de questions qui sont sans réponse. Ouais. Et puis, tu sais, ça me rappelle un petit peu les propos que tenait Loria avant qui achète qui vendent les expos au baseball majeur, qui achète les Marlins, puis que le propriétaire des Marlins achète les Red Sox. Parce que M. Sternberg, faut pas oublier une chose, c'est un gars de New York. Ouais. Je pense qu'il a des yeux sur les Mets. Oh, OK. Alors, tu sais, à un certain moment, là, il y a un petit parallèle qu'on peut peut-être établir entre les expos, Loria, Miami, Boston, puis peut-être ce qui va se passer là avec Tampa Bay, les futures expos et les Mets de New York. Je peux te dire que, tu sais, ils devaient savoir quelque part que ça ne tient pas la route, Jacques. Pourquoi je te dis que c'est une grosse tuile de théâtre? Il n'a jamais été capable, ça fait 10 ans qu'il essaie d'avoir un stade avec une équipe permanente. Penses-tu qu'il va avoir deux stades avec deux nouveaux stades avec des gardes partagés? Mais le gros problème, c'est que M. Bronfman, le jeune Bronfman, est un petit peu responsable de ça. Mm. Parce que c'est lui qui a suggéré les villes jumelles. OK. Et puis là, le commissaire est embarqué dans le portrait. Ouais. Puis il a dit, ben pourquoi pas qu'on pourrait partager la saison entre Tampa Bay et Montréal. Mm. Alors, tu sais, c'est difficile pour M. Bronfman de dire, je suis con. Ouais. Et puis, il va dire, ben oui, écoute, c'est moi qui l'ai suggéré, puis on va étudier ça plus à fond. Mais il y a tellement, comme je disais tantôt, Danny, de questions qui laissent sans réponse. Tu sais, on ne sait pas comment l'association des joueurs... Et voilà. Ouais, mais ça, ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Ouais. Parce que lorsque les Expos avaient été joués 20 matchs, deux saisons de suite à Porto Rico, ils n'étaient pas d'accord. Mais pour avaler la pilule et mettre un petit peu de miel, il avait dit, ben, pour les joueurs, au lieu de leur donner 75$ par jour de per diem, on va leur donner 150. Mais rappelle-toi, Jacques, tu l'as vécu. Moi si je m'en rappelle très bien, puis toi, tu l'as vécu. Les joueurs ne la trouvaient pas drôle du tout, là. Non, mais ça faisait partie du scénario, tu sais. Ouais. Mais c'était pour... Tu sais, tu déménages pas. Tandis que là, si tu dis, on joue les 40 premiers matchs à Tampa, puis après, on va déménager... Tu sais, les familles, les enfants qui vont à l'école... Ouais. Wow, un instant, là. Non. Il y a énormément de problèmes qu'il va falloir résoudre, là, avant que ça puisse devenir réalité. Mais moi, ce que je trouve bon, c'est qu'on en parle. Oui. Mais moi, je pense que c'est... Plus on en parle, plus ça se rapproche de la réalité. Je peux te dire que je suis allé voir les médias sociaux à Tampa Bay, à la station de radio des Rays. Je peux te dire que le Strasburg se fait ramasser pas à peu près. J'ai hâte de voir. Ça, c'est évident. Ouais. C'est évident parce que, tu sais, il dit, ben non, moi, je tiens à ce que l'équipe reste. On avait le même langage de Laurie Simpson. Hein? Oui, effectivement. Alors, moi, je l'ai dit, c'est une grosse pièce de théâtre, puis que ça va finir. C'est une manière délicate de sortir de Tampa Bay, selon moi. Ben, c'est-à-dire que lui, là, tu sais, à un certain moment, d'abord, il n'y a pas de financement pour construire un nouveau stade. Oui. Et puis, le baseball majeur en a assez du Tropicana Field. Mm. À Montréal, si on dit on construit un stade qui n'est pas couvert, qui n'a pas de siège chauffant, a priori, mais j'espère que si on fait ça pour accueillir les Rays pendant 40 matchs, qu'on va avoir des plans pour ajouter un toit puis des sièges chauffants, là. Ah non, mais moi je pense, Jacques, je pense que ça prend ça, un toit. Oui, mais c'est parce que si tu commences à jouer seulement au mois de juin. Ouais. Tu sais, t'as pas la fin du mois de mars, t'as pas le mois d'avril, t'as pas le mois de mai, là. Mm. Alors, tu sais, t'as plus de chances à partir du 1er juin jusqu'à la fin de septembre d'avoir des températures agréables pour un stade en plein air. Ouais. Mais Jacques, ça va quand même. Moi, je suis convaincu que ça n'arrivera pas. Moi, c'est parce que on va laisser. Moi, j'attends. Ouais. Avant de me prononcer officiellement, là. Mm. Tu sais, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ouais. D'abord là, mais tu l'as vu comme moi sûrement dans le journal, là, les Rays, la première série là, qu'ils vont faire, là, ils offrent les billets à 7$. Puis c'est mardi. Puis après, ils vont offrir des billets à 2$. Ouais. 2$, ça c'est la semaine prochaine quand ils auraient ça, hein? Oui, fait que imagine-toi. Tu sais, comment il va y avoir de monde, là? Ouais. J'ai hâte de voir, parce que si les gens se garochent et puis que la semaine d'après, ils remettent le prix des billets au prix ordinaire, au prix normal de début de saison, ça va être vide. Rappelle-toi, lorsque les Expos avaient fait ça, c'était quoi? C'était 5$ le billet, une pièce hot dog? Et les hot dogs à une pièce. Ouais, il y avait eu mais du ça, monde. Les gens ont tous ri des Expos, les hot dogs à une pièce, mais ça, c'est monnaie courante maintenant. Tu en as à Toronto. Ouais. Tu en as dans d'autres stades aussi. Des hot dogs à une pièce pour les soirées. Ouais. Jacques. Alors, tu sais, on riait de nous autres, mais c'est drôle. C'est bien correct pour les autres. Ouais. Jacques, l'Europe, en fin de semaine, une grande première. Les Yankees et les Red Sox vont être à Londres. Est-ce que c'est au stade Wembley? Oui, ben oui. Le stade où il y a eu les Olympiques. Là. OK, puis... On va modifier le stade en fonction du baseball. J'ai hâte de voir les assistants. J'ai hâte de voir si ça va... D'après moi, les deux matchs, même si en Angleterre, il n'y a quand même pas de tradition de baseball, ça risque d'être plein pareil. Il y a tellement d'Américains qui sont là qui... Pas seulement ça. Les Européens vont être curieux de voir c'est quoi le baseball. Ouais. Mais moi, ce que j'ai hâte aussi, c'est parce que on est censé d'offrir aux spectateurs la nourriture qu'on a aux États-Unis. Alors, il va y avoir des hot dogs, des tacos, blablabla. OK. Alors, ils ne sont pas habitués à ça, les autres. Ils vont découvrir là vraiment c'est quoi un match de baseball aux États-Unis. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait de quitter New York ou Boston, se rendre à Londres et de revenir. Le décalage horaire, là, ça peut avoir une influence énorme. Puis ces deux clubs qui aspirent, ben surtout les Yankees, eux, au championnat, et les Red Sox à participer aux séries. Puis là, les Red Sox doivent rire dans leur barbe, là, parce que tant qu'ils voient la situation évoluer à Tampa Bay, tu sais, ils commencent à encaisser des défaites, les autres, là. Puis si les joueurs sont pas heureux de la tournure des événements, il n'y aura pas trop d'entrain sur le terrain non plus. Non. Alors, s'ils continuent à dégringoler, là, ben, les Red Sox vont pouvoir passer devant puis avoir une meilleure chance de faire les séries. Alors, c'est une situation qui a des rebondissements un peu partout, là. C'est pas strictement à Tampa Bay ou à New York ou à Boston, mais il y a des rebondissements un peu partout. Jacques, dernier point, je vais te parler des les Nationals qui vont porter l'uniforme des Expos. Oui. Comment tu trouves ça, toi? Moi, je trouve ça excellent. Oui. Ouais, ben j'étais avec des amis hier qui partageaient pas mon opinion là, parce qu'ils disent les Nationals n'ont jamais rien fait pour honorer la mémoire des Expos. Je dis, ils le font là. Mais tu sais, ils ont souligné lorsque Gary Carter a été admis au Temple de la renommée, ils ont souligné qu'André Dawson l'a été aussi, Tim Raines, mais les Red, ben oui, mais on dit il y a des gens qui portent le numéro 8 là, il y a des gens qui portent le numéro 10, tu sais. J'ai dit, ben oui, mais c'était Washington, c'est pas les Expos. On a des traditions de baseball, on avait des traditions de baseball à Washington avant Montréal, là. Ouais. Mais quand même, on a gardé les records des Expos, et lorsqu'on améliore un record ces derniers temps, là, c'est un ancien record des Expos qu'on améliore par cette concession-là. Puis je pense qu'il n'y a, a pas quelque chose de Gary Carter à Washington au temple, au temple de renommée de l'équipe au stade. C'est possible, je ne suis jamais allé, Danny. OK. Je ne peux pas te dire. Oui, mais il me semble que ceux-là qui ont été allés, ils ont massé qu'il y a quelque chose qui a un lien avec Gary. Fait que... Jacques, merci beaucoup. Bonne pêche, puisque je sais que tu aimes beaucoup la pêche. Oui, bien là, je retourne à la pêche avec mon fils du 8 au 13 juillet. Du 8 au 13 juillet, fait qu'au plaisir... Ouais, puis essaye pas de me rejoindre, je vais être dans le bois. OK, passe l'écoute à TVA Sport. Salut, Danny, à la prochaine. Jacques Doucet, le collaborateur.